Non. Moi, j'aimerais faire un petit point très très rapide. Alors, moi, je travaille dans le secteur privé, le secteur qu'on attend tous, comme le secteur qui doit rejoindre le mouvement global. Alors, c'est un petit peu compliqué chez nous. On travaille dans l'industrie, dans la chimie plus particulièrement. Par contre, il y a quand même des petites lueurs d'espoir. C'est-à-dire que sur certains sites industriels ou certains secteurs, ça bouge quand même un peu plus qu'ailleurs, et on arrive à faire un peu plus qu'amener des copains pour les grandes journées de manifestations comme celle-là. On arrive parfois à enclencher des petites grèves reconductibles. Voilà. Alors, ce n'est pas du même niveau que nos copains cheminots, que ce que peuvent faire les dockers, les copains de l'énergie ou quoi, ok. Cela dit, ça a quand même un petit impact, parce que nous, on n'est pas comme des fonctionnaires. Dans le privé, on peut jouer sur les modalités de notre grève, et parfois il suffit de quelques heures de grève par jour ou par quart pour avoir de gros effets. Il y a des secteurs un petit peu clés qui sont les raffineries. Alors, pour ceux qui se rappellent de 2016 ou de 2010, les raffineries, c'est effectivement un secteur super important. Donc là, il y a un travail qui est fait effectivement depuis plus d'un mois dans les raffineries, avec le blocage des extraits des fameux produits blancs, c'est-à-dire le carburant qui est immédiatement utilisable. Et ça, concrètement, le jour où les raffineries seront toutes, pour le coup, arrêtées concrètement, là, il y aura un véritable impact. Ce que je voulais dire aussi, c'est que des actions comme le blocage du port de Rouen, par exemple, du port de Rouen, du port du Havre, très très rapidement, ça peut avoir des impacts sur l'activité économique. Moi, je suis tous les jours en contact avec les copains dans nos sections implantées dans des usines chimie aux quatre coins de la France. Et dès hier, dès le début de la semaine, on commençait à avoir très très rapidement des conséquences sur les perturbations d'approvisionnement, etc. Donc le bon côté aussi, c'est quand une usine, on n'arrive pas à la mettre en grève, bien à un moment donné, elle va s'arrêter tout simplement faute de matières premières. Voilà. Et donc, quand une usine elle s'arrête, ça veut dire que la production ne sort plus. Et là, concrètement, on tape au portefeuille. Et là, on tape très dur au portefeuille. Et ça, pour le coup, on espère que c'est ça qui les feront un petit peu réfléchir. Je suis aussi de la chimie. Je suis aussi dans une boîte qui fabrique de la merde, qui pollue, qui tue. Donc, Boralis à Grand-Queville. Juste, j'avais déjà dit l'autre jour, c'est que du 4 au 12, on a réussi à arrêter la plateforme. La semaine dernière, on a refait 3 jours, et puis les ateliers ont été arrêtés. Donc voilà, mais l'information importante, c'est que les camarades des raffineries n'ont pas encore arrêté leur outil de travail. C'est bloqué au niveau des expéditions.